السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وبعد. Donc, on continue l'explication du Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, dans le Waqid al-Islam. الدرس العاشر في شرح ناقل التاسع. قال رحمه الله التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع خضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. نعم مش محمد بن عبد الوهاب il a dit que le neuvième annulatif c'est celui qui croit qui a la croyance que certaines personnes peuvent sortir de la législation. Certaines personnes peuvent sortir de la législation du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la même manière que un Khadir pouvait sortir de la législation de Moussa alayhi wa sallam. C'est un mécréant, c'est un mécréant. Ensuite, Cheikh Fawzan a dit, Allah, Sharh, la shakka, en Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ata Muhammadan ila nasi kaffa arabihim wa ajamihim, kitabihim wa ammiyihim, wa ila thakalini al-jinn wal-ins. Il a dit qu'il n'y a pas de doute que Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute humanité pour les Arabes et les non-Arabes et ceux qui sont les gens du livre et ceux qui n'avaient pas de livre avant et pour les djinns et les hommes, pour les djinns et les hommes. Il dit فأوجب على الجميع من خلق من الجن والإنس اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة. Il dit qu'Allah il a rendu obligatoire عز وجل aux créatures de façon générale, que ce soit les djinns ou les hommes, de suivre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est une de ses spécialités et de ses caractéristiques spécifiques à lui. Comme il y a dans le hadith, En effet, les prophètes avant moi furent envoyés à des peuples en particulier, alors que moi j'ai été envoyé à toute l'humanité, à toute l'humanité. Il dit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. Il a dit dans le verset et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et dans l'autre verset il a dit ô vous les hommes, je suis pour vous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité digne d'être adorée à part lui, il donne la vie et donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, ou sa parole, et suivez-le afin d'être bien guidé, afin d'être bien guidé. وقال عن اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Il a dit à propos des juifs et des chrétiens, ceux qui suivent les messagers, le prophète illettré, qui trouve écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, il leur défend le blâmable, il leur rend licite les bonnes choses, et leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, et le soutiendront, et le porteront secours, et le suivront la lumière, et suivant la lumière descendue avec lui, et suivant la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants, ceux-là seront les gagnant. Ensuite, le Cheikh dit, avec Allah, فأوجب على اليهود والنصارى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يعزروه أي ينقلوه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. Donc il a dit qu'Allah عز وجل a rendu obligatoire aux juifs et aux chrétiens aussi de suivre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et de le secourir et de le respecter et de le défendre. Il a dit que dans le hadith, le prophète a dit sur sallam, que personne parmi les juifs ni les chrétiens n'entend parler de moi Ensuite, mais crois en ceux qui m'a été révélé sans qu'ils rentrent en enfer, sans qu'ils ne rentrent en enfer. C'est-à-dire que toute personne parmi les juifs et les chrétiens qui entend parler de l'islam, qui entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne croit pas en lui, eh bien, fera partie des gens de l'enfer, fera partie des gens de l'enfer. Ensuite, le cheikh, il a dit, Wara'a sallallahu alayhi wa sallam, si yadi Umar, أوراقاً من التوراة فاستنكر صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي إلا اتباعي. Il a dit que dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a vu Omar ibn Khattab et dans ses mains il avait des pages de Torah. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il l'a blâmé, il l'a réprimandé par rapport à cela et il lui a dit, ô fils d'un Khattab, yani Omar, si mon frère est encore en vie aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Il a dit, est-ce que tu doutes de ce qui m'a été révélé et tu hésites de ce que j'ai comme science, yani ce qui m'a été révélé. Donc il a blâmé Omar ibn Khattab le fait qu'il ait pris des feuilles de la Torah et il a dit que si jamais Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Il a dit, فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخي عمر بن الخطاب il a dit que là d'agré, nous avons agré Allah comme Seigneur et l'Islam comme religion et Muhammad صلى الله عليه وسلم comme messager et prophète. Ensuite le Cheikh il a dit والله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعه. قال تعالى إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم أخذتم على ذلكم إسري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفي غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الشيخ قال أن الله عز وجل il a pris l'engagement au prophète que si jamais le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il était envoyé et que l'un de eux était vivant qu'il le suivrait et le secourrait. Donc tous les prophètes, cet engagement il a été pris avec eux que si jamais Mohammed صلى الله عليه وسلم était vivant, plutôt qu'il était envoyé alors qu'ils étaient vivants, ils devraient le suivre et le secourir. Comme il est dans le verset, sur Al-Imran, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Allah leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dirent-ils, soyez donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré malgré tous ceux qui existent dans les cieux et la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés, فالأدلة واضحة في أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وأن دينه ناسخ لجميع الأديان ولا يبقى دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به. نعم il a dit que ça c'est des preuves claires que la prophétie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'est une prophétie qui est général et qui englobe toute personne parmi les humains et les djinns, et que sa religion c'est celle qui abroge toutes les autres religions et qu'il ne restera pas de religion après qu'il soit envoyé et qu'il soit prophète si ce n'est la religion de l'islam. Il a dit l'islam alladhi jaa bihi wa lidhalika idha nazala Isa alayhi salam fi akhir zaman fa innahu yattabi'u Muhammadan صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته شريعة الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا أحد يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن. Il a dit que c'est pour ça que Isa alayhi salam, lorsqu'il va redescendre à la fin des temps, il va suivre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il va être un mujaddid, c'est-à-dire un revivificateur de la religion. Il ne sera pas un prophète à ce moment-là, parce qu'il fera partie des musulmans. et jugera avec la charia de l'islam, avec la législation de l'islam, et sera un suiveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh a dit que « فَلَا أَحَدَ يَسْعُ الْخُرُوجُ وَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَمِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Personne ne peut sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qu'il soit des djinns ou des hommes, qu'il soit des djinns ou des hommes. قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم من لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وقال تعالى قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Cheikh a cité le verset dans lequel Allah a dit « Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Et quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement. » Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. » Il guide vers la vérité et un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Et Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Et ceux-là sont dans un égarement évident. Et il est dit dans notre verset, dans ce djinn, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille et ils dirent, nous avons certes entendu une lecture du Coran merveilleuse, une lecture merveilleuse. Et fasoulatul djinni fiha umum risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lil djinn. Il dit que soulatul djinn, c'est une preuve que la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est vaste, elle englobe aussi les djinns. Parce que eux aussi, ils ont cru en lui et ils ont eu la foi en lui. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الثقلين تجب طاعته على جميع الجن والإنس من لم يستجب ولم يتبعه فهو من أهل النار قطعا لأنه كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit que toute personne est obligée et n'a pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et de l'obéir, que ce soit parmi les hommes et les djinns. Et celui qui n'accepte pas ça, et qui ne répond pas à cet appel, et qui ne le suit pas, il fait partie des gens de l'enfer. Il fera partie des gens de l'enfer, qata'an, sans doute, parce qu'il aura mécru en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. فَالَدِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَسْعَمْ أَحَدًا أَنْ خُرُوجُ وَنْ شَرِعَةِ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam يَسَدِلُونَ عَلَى هَذَا بِقِسَةٍ خَدِرٍ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقِسَةٌ خَدِرٍ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ. Il a dit que ceux qui disent que c'est permis pour la personne de sortir de la législation de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent comme délit l'histoire de Al-Khadir et de Moussa alayhi wa sallam, qui est cité dans surat Al-Kahf, dans le Coran. Il a dit, فَقِسَّةُ الْخَدِرِ كَمَا ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ خَطِيبًا فِي قَوْمِهِ فَسَأَلُوهُ هَلْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فقال لا فقال الله تعالى إن لي عبدا من عبادي في أرض كذا وكذا عنده علم ليس عندك. Il a dit que l'histoire de Al-Khadir, elle a commencé au moment où Moussa alayhi salam, il a été interrogé par son peuple. Ils lui ont demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que toi sur terre? Il a dit là, il a dit non. Et comme il a dit dans le hadith dans Sahih Bukhari que Allah azza wa jalla, il a pas agréé cette parole-là, il a dit « Bala », il a dit au contraire. « Inna li abdan min ibadi » il y a un serviteur parmi mes serviteurs, qui est dans un endroit un tel, et qui a une science que tu n'as pas, Et dans le hadith, il a dit que Allah n'a pas agréé cette parole-là, parce qu'il n'a pas remis la science à Allah, c'est-à-dire il n'a pas dit « Allahu a'lam ». C'est pour ça qu'ils ont dit que lorsqu'une personne est interrogée, par une question similaire que ça. Elle dit Allahu a'lam. Elle remet la science à Allah parce que personne ne sait qui est-ce qui a le plus de science parmi les hommes. Comme il y a un verset, Fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Au-dessus de chaque savant, il y a un autre savant, jusqu'à arriver à Allah Azzawajal, qui est le 'alim, qui est au-dessus de tout savant. Donc, il a dit, Bala, Allah, il a dit, au contraire, il y a un serviteur parmi mes serviteurs qui est dans un endroit un tel, qui a plus de science, ou qui a une science que tu n'as pas. Il a dit, Fadahaba Moussa ila dhalika al-abd, yatlub al-ilma indahu. Ensuite, Moussa alayhi salam, il est parti vers ce serviteur-là, qui est un khadir, pour chercher la science auprès de lui. Mais ça veut dire que ça, c'est une preuve que même les savants peuvent aller chercher la science et que c'est permis pour eux aussi de rechercher la science et que la meilleure façon pour obtenir la science c'est de voyager et de aller rencontrer les savants, les gens de science. فقال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. Et dans le verset, Allah dit à Azzawajal, rappelle-toi, lorsque Moussa dit à son valet, je n'arrêterai pas de voyager avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, c'est-à-dire là où les deux mers se rencontrent, même si je dois marcher de longues années, إلى أن وصل إلى الأرض التي فيها الخضر, فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Ensuite, il est arrivé à l'endroit où il était un khadir, à la terre où il était. Et lorsqu'il est arrivé, il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que je peux te suivre à condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant de bonnes directions, yani comme science utile. يعرض عليه وما يأتيه من غلظة والشدة إنما يتأدب المتعلم مع العالم. Le cheikh a dit que là il a fait une proposition, il a demandé et qu'il n'a pas utilisé la dureté et la brutalité. Et au contraire, l'étudiant doit être poli et faire preuve de bon comportement et d'une bonne attitude avec le savant. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Et Al-Khadir lui a répondu, vraiment tu ne pourras jamais patienter avec moi, tu ne pourras jamais être patient avec moi. إلى آخر القصة, un cheikh a dit jusqu'à la fin de l'histoire qui est connue, التي فيها خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. Jusqu'à la fin de l'histoire qui est connue, dans laquelle il y a le fait qu'ils ont, plutôt que Al-Khadir, il a détruit le bateau et qu'il a tué un enfant et qu'il a relevé un mur et l'a reconstruit. واستغرب موسى عليه السلام هذه الوقائع لأنه لم يكن يعلم أسبابها. بين له الخضر لماذا عمل هذه الأعمال وأن هذا بأمر من الله وبأمر الله تعالى. قال وما فعلته عن أمري. Et موسى عليه السلام il a été étonné de ces histoires et de ce qui s'est passé parce qu'il ne connaissait pas les causes. Il ne connaissait pas les causes de ça, des choses qu'il a fait. Et Al-Khadir ensuite lui a expliqué les causes pour lesquelles il a fait ça. Et il a dit qu'il n'a pas fait ça de son propre choix, mais plutôt c'était un ordre venant d'Allah. Je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Ensuite, le cheikh il a dit بل هو من أمر الله سبحانه وتعالى وقال موسى وقال لموسى إنني على علم علمني الله ليس عندك وإنك على علم علمك الله إياه ليس عندي. نعم. Il a dit, الخادم يا موسى عليه السلام, que ce que j'ai fait c'est un ordre venant d'Allah. Je ne fais ça que par conformité avec l'ordre d'Allah عز وجل. Et il a dit à Moussa, j'ai une science qu'Allah m'a enseignée que tu n'as pas. Et tu as une science qu'Allah t'a enseignée que je n'ai pas. Ensuite, le Cheikh l'a dit, Cheikh Fawzan, وَلِخْتَلَفُوا فِي الْخَدِيرِ هَلْ هُوَ نَبِيٌّ أَوَّلِيٌّ عَلَى قَوْلَيْنِ القول الأول أنه نبي لأن هذه الخوارق من المعجزات التي لا تكون إلا لنبي. القول الثاني أنه ولي وليس نبيا وهذه الأمور كرامات من كرامات الأولياء وليست من المعجزات والأولياء تجري على أيديهم كرامات وخوارق للعادات. ثم هل الخضر حي أو ميت؟ Donc, il a dit qu'ils ont divergé, ils ont divergé par rapport à Khadir. Est-ce que c'est un prophète ou pas? Est-ce que c'est un prophète ou pas? Donc, première parole, premier avis, c'est que c'est un prophète. La première parole, le premier avis, c'est que c'est un prophète parce que ces miracles-là qu'il a fait, ce sont des miracles qui ne viennent que des prophètes, qui ne viennent que des prophètes. Deuxième avis, c'est que ce n'est pas un prophète, mais c'est un wali. Un wali parmi les awliya d'Allah. C'est-à-dire un allié parmi les alliés, et que ces choses-là sont des karamats, des awliya, et ça ne fait pas partie des miracles des prophètes. Parce que c'est possible que les awliya, ils ont des karamats, comme c'est arrivé pour les gens de Kahf, qui ne sont pas des prophètes, pour Maryam aussi, alayhi salam, qui n'est pas une prophète. Tout ça sont des karamats, des awliya, et ça ne fait pas partie des miracles des prophètes. Bon, là, le Cheikh Chafouzan n'a pas tranché est-ce que c'est un prophète ou pas, il n'a pas dit son avis. Et ce qu'a dit Cheikh Saadi dans son tafsir, c'est que le plus grand, c'est que ce n'est pas un prophète. C'est ce qu'il a choisi comme avis, Cheikh Saadi. D'autres savants l'ont contredit, comme Cheikh Ibn Baz. Mais le plus correct, Inch'Allah, c'est l'avis de Cheikh Saadi, c'est que ce n'est pas un prophète, mais c'est un wali parmi les awliya. Et Cheikh Saadi a dit que le verset Oma fa'al dun amri, ça ne prouve pas que c'est un prophète. Parce que c'est possible que Allah Azzawajal l'a dit. Il a dit ça dans un autre endroit dans le Coran pour d'autres personnes qui ne sont pas des prophètes. Comme il a dit par rapport à la mère de Moussa, وَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فِدَا خِفْتَ عَلِي فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافْتِ وَلَا تَحْزَنِي. Donc il a ordonné certaines choses à la mère de Moussa. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Et personne parmi sa mère n'a dit que sa mère était une prophète. Sauf Ibn Hazm, mais sa parole, c'est connu que c'est une parole qui n'est pas correcte. Donc, ce qu'il a choisi, Cheikh Saadi, rahimahullah, comme avis, c'est que Al-Khadir, ce n'était pas un prophète, c'était un wali parmi les awliya. Ensuite, le Cheikh a dit qu'ils ont divergé aussi par rapport au fait de savoir est-ce qu'il est vivant ou pas. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? الذي تدل على الأدلة الصحيحة أنه ميت. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. الله جل وعلا أخبر أنه ليس لأحد الخلد من هذا الخلق وأن الخلق كلهم يموتون كل من عليها فعل. نعم إلى ذلك ce qui correct ce qui est en conformité avec les preuves du Coran et la Sunna c'est qu'il est décédé, qu'il n'est pas vivant. Parce que dans le verset Allah l'a dit Azzawajal, et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Donc il a dit ça, c'est la preuve que toute personne va mourir parmi les créatures et personne ne sera immortel. Dans l'autre verset, il a dit Kullu man aliha fan. Tous ceux qui sont sur terre vont mourir. De venir voir le prophète Mohammed et de le suivre. Parce que le prophète a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Même certains savants ont dit qu'il a été envoyé pour l'univers en entier. Omer sannaka illa rahmatan lil alamin. Donc ça englobe l'humanité et l'univers en entier. Alors, parmi les preuves aussi qu'ils ont pris les savants pour dire qu'il était mort, le hadith dans lequel le prophète, une fois après avoir pris les rishas, il a dit aux compagnons, voyez-vous cette nuit-là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 100 ans, il n'y aura personne parmi ceux qui sont vivants aujourd'hui après cette période-là. C'est-à-dire qu'après 100 ans, à partir de cette nuit-là, à partir de la nuit où il a dit ça, il n'y aura personne parmi ceux qui sont vivants aujourd'hui sur Terre. C'est-à-dire que les compagnons, personne parmi eux ne sera vivant après 100 ans, après la nuit où il a dit ça. Et comme il a dit avant, c'est arrivé comme ça parce que la plupart des compagnons sont tous morts avant que 100 ans s'écoulent, à partir du moment où il a dit ça. Donc il n'y a pas de doute que, même si Al-Khadir était vivant, à l'époque du prophète, il serait mort 100 ans après lui. Et c'est sûr qu'il n'était pas vivant, parce que, comme il a dit le cher, si jamais il était vivant, il serait forcément venu voir le prophète Mohammed sallam, il serait venu pour le voir, et il serait obligé aussi de le suivre. Il a dit فلو كان حيا حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لجاء إليه واتبعه ولم يذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه ميت. نعم. Il a dit que si jamais il était vivant, pendant l'époque du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il serait venu le voir et il l'aurait suivi. Et il n'a pas été rapporté qu'il est venu le voir et qu'il l'a rencontré. Il a dit فهذا دليل على أنه ميت على القول الحق. أما من يقال من يقول أنه حي فليس له دليل واضح. Il a dit, ça c'est la parole qui est correcte, ça c'est l'avis qui est correct. Et par contre, ceux qui disent qu'il est encore en vie n'ont pas de preuve claire, n'ont pas de preuve claire. Et voilà, عجيب أن هناك رسالة تنسب أو نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها أن الخضر حي وقد طبع في مجموع الرسائل خطأ وبينما له رسالة أخرى تنفي حياة الخضير وهي في مجموع الرسائل أيضا. فهذه الرسالة التي نسبت إلى الشيخ الإسلام في حياة الخضير غير صحيحة. ولو كانت صحيحة فالاعتماد على رسالته الثانية التي تابع فيها الأدلة. ce qui est étonnant, c'est que il y a une رسالة, une lettre qui a été attribuée à Cheikh Islam Demia, qui est éditée dans le Majmou' al-Fatawa, qui dit que, soi-disant, Al-Khadir, il est vivant. Et qu'il y a une autre risala aussi dans le même livre, dans le même Majmou' al-Fatawa, qui est éditée aussi dans le Majmou' al-Fatawa, dans lequel il nie le fait que Al-Khadir, il est en vie. Et Cheikh a dit que la première risala, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Et ce n'est pas correct. Et même si a été correct, ce qu'on prend en considération, c'est la dernière risala, la deuxième risala, parce que c'est celle qui est en conformité avec les preuves. C'est celle qui est en conformité avec les preuves. Il faut si jamais une personne a deux avis, un avis qui est en conformité avec les preuves et un autre qui est en contradiction avec les preuves, on prend celui qui est en conformité avec les preuves, on prend pas le deuxième. Mais il dit lam yattabi' al-Khadir Moussa alayhi salam. Et ensuite le cheikh a dit pourquoi est-ce que al-Khadir n'a pas suivi Moussa alayhi salam et il ne s'est pas conformité à sa législation, à sa sharia. Al-jawab anna Moussa alayhi salam laysat risalatuhu 'amma, risalatuhu khassatun li bani Israël. ولم يرسل إلى الناس كافة فهو كغيره من الأنبياء قبل محمد رسالته خاصة إلى قومه قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة بعثت إلى الناس كافة موسى عليه السلام إنما بعث إلى بني إسرائيل ولم يبعث إلى الناس كافة. Il a dit la réponse c'est que Moussa عليه السلام il a été envoyé que pour Bani Israël. Donc sa prophétie n'est pas générale, n'est pas vaste, n'engloue pas toute personne. Et ça, c'est comme l'équivalent des autres prophètes qui, avant, étaient envoyés pour leur peuple, seulement pour leur peuple. Ils n'étaient pas envoyés pour les gens en général. Donc, Moussa, sa prophétie a été propre à son peuple, à Bani Israël. Comme il y a un verset dans le Yazoyal, quand Moussa est commis, il y a un commis matoudouni, ou quand tu as un ni Rasulullah, il est comme. Alors que vous savez que je suis le messager d'Allah pour vous, et pas à son peuple. Donc, les prophètes, avant le prophète Mohammed, ils étaient envoyés pour le peuple, seulement pour le peuple, et pas pour les gens en général. Il a dit, Moussa, il a été envoyé pour Bani Israël, il n'a pas été envoyé pour les hommes en général, pour l'humanité en général. Ensuite, le cheikh, il a dit, فَلَا يُقَالُ إِنَّ الْخَدِرَ خَرَجَ شَرِعَةِ مُوسَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّةِ مُوسَى أَصْلًا حَتَّى يُقَالُ خَرَجَ. Il a dit ainsi, on ne peut pas dire que Al-Khadir, il est sorti de la charia de Moussa, parce qu'il ne fait pas partie de la communauté de Moussa de base, sorte à ce qu'on dise qu'il en est sorti. Non. Il a dit que le fait de sortir de la charia, la législation de Mohammed, ça peut être de différents types. Ça peut être de la mécréance, ça peut être de l'égarement, en dessous de la mécréance, qui ne rentre pas dans la mécréance. Ça peut être une sortie générale, complète, et ça peut être une sortie incomplète qui ne fait pas sortir la personne de la religion en entier. Non. Ensuite, le cheikh il a dit فالذي يخرج عن الشرع أو عن شيء منه ويستحل ذلك فإنه يكفر والذي يخرج ولا يستحل الخروج فهذا ضال ليس بكافر. Il a dit que celui qui sort de la charia, de la législation de la religion, et qui rend permis cela, il dit que c'est halal, que c'est permis de sortir de la charia, de la religion, et de ne pas s'y conformer, il dit que ça c'est de la mécréance. Ça c'est la mécréance qui fait sortir la personne de la religion. Par contre, s'il sort de la charia, de la religion, et qu'il ne s'y conforme pas, mais qu'il ne rend pas ça permis, il ne dit pas que c'est halal, il ne rend pas ça halal, dans ce cas-là c'est un égaré, mais ce n'est pas un mécréant. C'est un égaré, mais ce n'est pas un mécréant. والذين يقولون إن بعض الناس يسعون خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى موجودون وهم غلاة الصوفية. Il a dit que ceux qui disent que c'est permis de sortir de la charia de Moussa, de Muhammad صلى الله عليه وسلم de sa législation, comme al-Khadir l'a fait avec Moussa عليه السلام, qui sont présents et que ce sont les extrémistes parmi les soufis, فهم يقولون إن الصوفي إذا بلغ مرتبة من المعرفة بالله فإنه ليس بحاجة إلى الرسول لأنه وصل إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى العوام وهؤلاء خواص وقد وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الرسول. نعم يجيك يجيز كل صوفي lorsqu'il atteint un niveau au niveau de connaissance d'Allah et de la science à propos d'Allah, il n'a plus besoin de messager. Il n'a plus besoin de messager parce qu'il a atteint Allah, comme ils disent, وَصَلَ إِلَى اللَّهِ يعني, c'est une parole qui veut rien dire, mais ils disent comme ça, qu'il a atteint Allah. Et le messager, le prophète Mohammed, il a été envoyé pour les gens de la masse, les Awam. Eux sont des gens, des Khawas, des gens spéciaux, qui ne rentrent pas dans ça. Des gens spéciaux qui ne rentrent pas dans ça. Ils disent, وَيَقُولُونَ إِنَّنَا نَأْخُذُ عِلْمَنَا عَنِ اللَّهِ مُبَشَرَةً وَأَنْتُمْ تَأْخُذُونَ عِلْمَكُمْ عَنِ الْأَمْوَاتِ مَيِّتَ الْمَيِّتِ يَعْنُونَ الأحاديث والأسانيد وأما نحن فنأخذ عن الله كما يقولون كذا يقولون. Ils disent que nous on prend notre science d'Allah azawajal directement, on prend notre science d'Allah directement, alors que vous la prenez de personnes qui sont mortes, yani de savants qui sont morts, vous transmettez les ahadiths avec des chaînes de transmission, et ça c'est des gens qui sont morts, ce sont des gens qui sont morts. Nous on apprend de Allah directement, on n'a pas besoin de passer par les hadith et les chaînes de transmission. بل إنهم يقولون إن التكاليف تسقط عنهم لأنهم وصلوا إلى الله ولا يصلون ولا يصلون ولا يعبدون الله عز وجل. Ils disent aussi que ceux qui ont atteint ce niveau-là, là, qui sont arrivés à Allah, ils n'ont plus besoin de faire d'adoration. Ils ne prient pas, ils n'adorent pas non plus Allah, et c'est plus obligatoire pour eux. والعبادة إنما هي للعوام عندهم وكذلك لا يحرم عليهم شيء. والأوامر والنواهي والحلال والحرام هي للعوام عندهم الذين لم يصلوا أما هم فقد وصلوا وليس في حقهم حلال ولا حرام فيستبيحون الزنا واللواط والمحرمات. Ils disent que les soufis là, ils disent aussi que le fait d'adorer Allah, ça c'est pour les awam, les gens de la masse, mais eux ils sont pas concernés. Ceux qui ont atteint Allah, ils sont pas concernés, de même que ceux qui ont atteint Allah, il n'y a rien qui est interdit pour eux. Les ordres, les interdits, le halal, le haram, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, ça c'est pour les awam. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Mais ceux qui ont atteint ce niveau-là, il n'y a rien qui est halal ni haram pour eux. Ils ont le droit de tout faire. Du coup, ils se permettent la fornication, l'homosexualité, toutes choses interdites, toutes choses interdites. وَيَقُولُونَ نَحْنُ مَا عَلَيْنَا تَحْرِيمُ وَوَصَلْنَا إِلَى غَايَةٍ تُخْرِجُنَا مِنْ دَائِرَةِ التَّكْلِيفِ وهم في الحقيقة قد وصلوا لأنهم خرجوا من دائرة التكليف إلى دائرة المجانين. Donc le cheikh il a dit que, ils disent aussi les soufis, que pour nous il n'y a pas d'interdiction parce que nous on a atteint un niveau qui fait qu'on n'est plus concerné par les obligations. On est plus concerné par les obligations. Et le cheikh a dit qu'ils ont raison, il n'y a pas de doute qu'ils ont, ce qu'ils ont dit c'est vrai, c'est réel. Ils sont sortis de l'obligation parce que ils sont arrivés à un endroit où ils sont compris parmi les madianines, parmi les fous. Donc, ce qu'il a dit cher, c'est que comme ils sont devenus des gens qui sont fous, qui ont perdu la raison, c'est plus obligatoire pour eux de adorer Allah. Il a pas tort. Il a dit que yani, ce qu'ils ont dit c'est vrai. Ils sont plus obligatoires de, il n'est plus obligatoire pour eux plutôt de faire des adorations parce que ils ont atteint le niveau des madianines, de ceux qui sont fous, qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas d'aql. Donc du coup, l'obligation, ce n'est, l'adoration, ce n'est plus une obligation. L'adoration, ce n'est plus une obligation pour eux. Non, il a dit, toute personne qui atteint ce niveau-là qu'il prétend, c'est un majnoun, c'est un fou qui n'a pas de raison. Et ce n'est pas obligatoire pour lui de faire de l'adoration. أنه ليس عليه تكليف من الله أما أنه ليس عليه تكليف من الله عز وجل ووصل فهذا افتراء على الله وكفر برسالات الله. Il a dit par contre le fait de dire qu'ils ont atteint un niveau, qu'ils ont atteint Allah comme ils disent, et qu'il n'y a plus d'obligation pour eux, ou plus rien qui est obligatoire pour eux, il a dit ça c'est un mensonge sur Allah عز وجل et de mécréance envers les messagers et les prophéties qui ont été envoyés d'Allah, ou par Allah Azza wa Jal. Fala ahada yasamun khuruju an shari'ati nabi sallallahu alayhi wa sallam mahma balaga min al-ibada mahma balaga min al-ibada wal-ilm wal-ma'rifati billahi bal kullama zada ilmuhu fa innahu tazidu ta'atuhu wa-ttiba'uhu lil-rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il n'y a personne qui n'a la possibilité de sortir de la sharia, de la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le niveau qu'il a atteint d'adoration, de science ou de connaissance d'Allah. Et même au contraire. Au contraire, à chaque fois que la personne, sa science, elle augmente, et eh bien, normalement, son obéissance devrait augmenter aussi, et son suivi du prophète aussi devrait augmenter. Et ça, c'est comme il a dit, Cheikh Sa'adi, dans son tafsir, dans son Baqara, il dit, dans le verset, quand Allah il a dit à Zawiyal, فَإِذَا مِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Cheikh Sa'adi, il a dit, dans le verset, où Allah il a dit à Zawiyal, invoquez Allah comme il vous a enseigné, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas. Il a dit qu'à chaque fois que la personne, sa science, elle augmente, elle doit aussi augmenter son adoration. Elle doit aussi augmenter son adoration. Ça veut dire que ceux qui ont plus de science doivent faire plus d'adoration et doivent être plus obéissants envers Allah. Contrairement à ce qu'ils disent soufis, que quand ils atteignent ce niveau-là, ben, ils n'ont plus rien à faire et plus d'adoration du tout, ni d'obligation du tout. Voilà. C'est ce qu'il a dit aussi le cheikh ici. Il a dit que le mazal a ilmu. فَإِنَّهُ تَزِيدُ طَاعَتُهُ وَاتِّبَاعُ لِلرَّسُولِ. À chaque fois que sa science, elle augmente, son obéissance aussi, elle augmente, et son suivi aussi du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça augmente. Il a dit, فَيَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَاعَةِ وَالِاتِّبَاعِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ. Ainsi, ce qui est obligatoire pour lui, comme obligation et comme suivi, c'est plus important que ce qui est obligatoire à une personne qui ne sait pas, qui n'a pas la science. هذا معنى قول الشيخ من زعم أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. C'est ce que نعم فمن زعم ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام. الشيخ a dit que ce que Jean Mohammed ibn Wahhab veut dire ici, rahimahullah, quand il a dit فمن زعم أنه يسع الخروج عن شريعة محمد عن شريعة محمد, c'est que celui qui prétend que c'est obligatoire pour lui de faire de l'adoration parce qu'il atteint un niveau qui n'est pas concerné par les obligations ni les adorations. Il a dit, c'est ça que le cheikh veut dire ici. Mais toute personne qui prétend ça, eh bien, c'est un murtad, c'est un apostat. Il a fait preuve d'apostasie en din islam. C'est un apostat et il est sorti de la religion de l'islam. Il est sorti de la religion de l'islam. Yannahu kufrun bil Quran wa rasul. Parce que ça, c'est la mécréance envers le Coran et envers le messager d'Allah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa kufruhu bil ijma', fa kufruhu bil ijma'. Il a dit, ça c'est un consensus du savant. C'est un consensus des savants que c'est un mécréant. Rulatu sufiyya wa ma aktharuhum al-yawm fi kutubihim min al-khurafati wal-akadhibi wal-jur'ati 'ala Allah wa rasuli ash-shay'u al-kathir. Il a dit que les extrémistes parmi les soufis, les rulat, ceux qui sont dans le plus grand extrême des soufis, et il a dit, qu'est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui? Dans leur livre, il y a beaucoup de choses parmi les inventions et les mensonges et de l'audace par rapport à Allah et à son messager. C'est qu'ils ont, ils sont audacieux et ils prétendent des choses. Ils disent que c'est Allah qui a dit ça ou que c'est le messager qui a dit ça alors que c'est faux. Ensuite, le cheikh, il a dit, رد عليهم أهل العلم وأبطلوا ترهاتهم وشبهاتهم ومن أقوى من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ورد عليهم جماعة من العلماء المعاصرين كعبد الرحمن الوكيل رحمه الله في فله كتاب سماه أو اسمه مصرع التصوف مصرع التصوف. نعم il a dit que beaucoup de savants ont réfuté leur invention et leurs mensonges et leurs shubuhat, leur ambiguïté. Et parmi les savants qui sont le plus répliqués aux soufis, qu'ils ont fait des roudouds, des répliques au Soufi, Cheikh Sam Taymiyyah, et son élève Ibn al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous les deux. De même que certains savants contemporains comme Abdurrahman al-Wakil. Abdurrahman al-Wakil, il y a un livre qui s'appelle Masra al-Tasawwuf, c'est-à-dire la mort du soufisme. De même que Cheikh Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, il y a un livre qui s'appelle Al-Hadiya al-Hadiya ila Tariqa al-Tijaniya. Il a parlé de Tariqa al-Tijaniya parmi les soufis, et il a expliqué comment est-ce qu'ils se repentit. Ensuite, il a expliqué certains de leurs choubhat et il les a réfutés. De même que Cheikh Abdurrahman al-Afriqi de Médine, il y a un livre sur Tijaniya, il a expliqué les égarements des Tijani. Et beaucoup d'autres savants, comme l'a dit Cheikh, beaucoup de savants ont fait des livres sur eux, que ce soit des savants anciens parmi les prédécesseurs et parmi les savants aussi contemporains. Ensuite, Cheikh Fazan, il a dit هذا الناقد يشمل العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة وأن الدين والعبادات في المساجد أما المعاملات وأحكامها وأحكام السياسة فهذه لا تدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس هم الذين يتحكمون فيها هذه قصة c'est un motif aussi, ça englobe aussi les laïcs, les gens qui sont des laïcs qui disent qu'on doit faire la différence entre la religion et l'État, et que la religion, les adorations, ça c'est dans la mosquée, et tout ce qui est transaction et les règles de transaction, leur jugement et les règles des politiques, ça rentre pas dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça à part, et que ce sont les gens qui jugent, ce sont les gens qui en jugent. Il a dit « وَهَذَا قَوْلَ الْعِلْمَانِيِّينَ » Ça, c'est la parole des laïcs. وَيَقُولُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَالْوَطَنُ لِلْجَمِيعِ Ils disent que la religion, ça appartient à Allah, mais par contre, le pays et l'État, ça appartient à tout le monde. Donc, ce sont eux qui décident. Ensuite, le Cheikh l'a dit « وَهُمْ يَلْحَقُونَ بِرَكْبِ غُلَاتِ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ أَحَدًا يَسَاعِهُ الْخُرُوجُ مِنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَؤُلَاءِ الْعِلْمَانِيُّونَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَسَاعِهُ الْخُرُوجُ مِنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّيَاسَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ Il a dit qu'ils sont pareils que les extrémistes parmi les soufis, parce que les soufis disent que c'est possible de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas se conformer à la législation musulmane. Et eux, les laïcs, ils disent que c'est permis de sortir de la religion dans tout ce qui est politique et tout ce qui est transaction. هم الذين يخرجون العقائد من أدلة الكتاب والسنة ويقولون إن أدلة الكتاب والسنة سمعية تفيد الظن أما الأدلة العقلية فإنها أو فهي يقينية تفيد اليقين والعقائد لا يستدل عليها بأدلة الكتاب والسنة لأنها أدلة ظنية أما أدلة علم الكلام والمنطق فهي أدلة يقينية عندهم Après, le Cheikh Fawzan a dit que les savants du Kalam aussi, tout ce qui est philosophie, rhétorique, ils rentrent dans ça aussi. Ils ont une partie de cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils voient que les preuves du Coran et de la Sunna, ce sont des preuves, soi-disant, dhaniya, qui ne donnent pas la certitude, qui donnent yani, le soupçon, le bon soupçon, et qu'on ne peut pas se baser sur ces preuves-là pour la aqidah, pour tout ce qui est croyance, alors que les preuves de leur kalam à eux, de leur rhétorique et de la philosophie, ça ce sont des preuves yakiniya, des preuves yani, qui donnent la yakin, la certitude, dans laquelle on ne doute pas, Donc ils disent que les preuves du Coran et de la Sunna, ça ne rentre pas dans tout ce qui est aqidah, on les sort de tout ce qui est aqidah. Comme l'a dit le Cheikh, « Yukhrijuna al-aqid min adilati al-kitab wa-sunna », c'est-à-dire que ils voient que l'aqidah ne rentre pas dans tout ce qui est le Coran et la Sunna. Tout ce qui est le Coran et la Sunna, on n'utilise pas ça. On n'utilise pas le Coran et la Sunna plutôt pour la croyance. Alors que les preuves de la rhétorique et de la philosophie, soi-disant, ça c'est des choses qui sont sûres, dont on ne doute pas. Donc on se base sur ça pour l'aqidah. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'eux, ils disent que, par exemple, la Sunna, c'est connu que ce sont des hadiths, ce sont des gens, les hommes qui les rapportent. Donc c'est possible que ces gens-là soient trompés ou qu'ils ont fait des erreurs, ainsi de suite. Donc ils disent que ça, c'est pas quelque chose de fiable, c'est pas quelque chose de sûr. Pareil pour le Coran, ils disent que ça a été rapporté par des gens. Donc c'est possible que ce soit quelque chose qui ne soit pas sûr à 100%. Alors que tout ce qui est philosophie et rhétorique et mantiq, ça, c'est de la logique. Donc la logique et la raison, c'est quelque chose dont on ne doute pas. Donc eux, ils font passer ces preuves-là devant les preuves du Coran إلى سنة. نعم إلى جبل ذلك تجد أن عقائدهم مبنية على علم الكلام والجدل وعلم المنطق لا يستدلون بآية ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour ça que tu verras que leur aqida à eux, leur croyance, ils ne l'apprennent pas ni du Coran ni de la Sunna. Ils apprennent de la rhétorique et de la polémique et de la philosophie. Ils ne prennent pas ne serait-ce qu'un seul verset et ni ne serait-ce qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, soi-disant, comme ils disent eux, ce sont des preuves dhanniya qui donnent le bon soupçon mais qui ne donnent pas la certitude. هذا خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهم شيء وهو العقيدة. الشيخ dit que ça c'est le fait de sortir de la charia du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, de la législation du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, dans la chose la plus importante qui est العقيدة. والذي يجب على المسلم يتبع الكتاب والسنة في جميع الأمور في الآداب والعقائد والمعاملات والأخلاق وفي جميع الأمور. Il a dit que ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de suivre le Coran et la Sunna, de suivre le Coran et la Sunna dans toutes ses affaires, dans tout ce qui est comportement, tout ce qui est croyance, dans les transactions, et ainsi de suite, dans l'ensemble de ses affaires. Et en arrissalat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, shamiyatun wa salihatun ni kulli zamani wa makan, ila taqoum al-sa'a, لأن الذي أنزلها هو الله العزيز الحكيم الذي يعلم ما يعلم أنها صالحة لكل وقت إلى أن تقوم الساعة فهي تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم donc le cheikh a dit que la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est valable jusqu'à la fin du monde. Elle est valable jusqu'à la fin du monde pour toute époque et pour tout endroit. Parce que celui qui l'a révélé, qui est Allah Azzawajal, l'Aziz al-Hakim, il sait et il a la science qu'elle est valable pour tout moment jusqu'à Yom al-Qiyamah. Donc c'est une révélation qui vient de Allah, de l'Aziz et d'Al-Hakim, qui est le sage par excellence et celui qui est digne de louange. Celui qui est digne de louange. Comme il a dit dans le verset, que le Coran, c'est un livre puissant qui est inattaquable. Le faux ne peut l'atteindre d'aucune part, ni par devant, ni par derrière, car c'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Digne de louange. Ensuite, il a dit, « Fahiyya shamilatun wa salihatun li kulli zaman wa makan, la yas'al muslim ayya khuruja anha. » Ainsi, il a dit, cher Fazan, qu'elle est valable pour toute époque et pour tout endroit, et ce n'est pas permis pour le musulman, et c'est pas possible aussi pour le musulman qu'il en sorte dans aucun cas. Ensuite, il dit وَيَدْخُلْ فِي هَذَا النَّاقِدِ أَيْضًا الَّذِينَ يَنْقُلُونَ إِنَّ شَرِيعَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلزَّمَانِ الْمَاضِي أَمَّا الْوَقْتُ الْحَاضِرُ فَلَا تَصْلُحُ لَهُ الشَّرِيعَةُ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ مُعَامَلَاتٌ وَوُجِدَتْ أُمُورٌ لَا تَتَنَاوَلُهَا الشَّرِيعَةُ فَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَاصِرَةٌ عندهم ليست من حكيم حميد فلا شك في كفر من يقول هذا المقال هذا المقال. نعم الشيخ dit qu'ensuite ceux qui disent aussi que la charia elle était pour le temps un moment qui est passé, ce n'est pas pour notre époque à nous, notre époque dans laquelle on est, que c'était pour l'époque ancienne et que la charia n'est pas valable et n'est pas bonne pour notre époque à nous, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont innovées, beaucoup de transactions, et qu'elles ne sont pas traitées dans le Coran ni dans la Sunna, que soi-disant la charia, elle n'est pas complète par rapport à ça, elle n'est pas complète par rapport à ça, et qu'elle ne vient pas d'un sage ni d'un seigneur digne de louange. Il a dit la shakka fi kufri man yaqulu hadha al-maqam. Il n'y a pas de doute que celui qui dit ça, c'est un mécréant. Celui qui dit ça, c'est un mécréant. Ensuite, le cheikh, il a dit. ويقول إن الشريعة لا تنطبق على هذا الزمان وإنما تنطبق على الزمان الماضي الذي مضى وما أكثر من يقول هذا القول أو هذا المقال. Il a dit que ces gens-là ils prétendent que la charia elle n'est pas valable ni applicable aujourd'hui, que ça c'était pour le temps qui est passé, yani pour une époque qui évolue, et pour notre époque à nous ce n'est pas valable, ça ne conforme pas avec notre époque à nous. Cheikh l'a dit والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه أمة إلا ما أصلح أولها. Il a dit que l'imam Malik, il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, que rien ne pourra réformer la dernière partie de cette communauté si ce n'est ce qui a réformé la première partie de cette communauté. فالذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة فلا يصلح آخرها إلا الكتاب والسنة. فشريعة الإسلام أو شريعة الإسلام صالحة لكل زمان وما كان إلى تقوم الساعة. Il a dit que ainsi ceux qui a réformé la première partie de cette communauté, c'est le Coran et la Sunna. Et c'est la même chose qui peut réformer la dernière partie de cette communauté. Rien d'autre ne peut réformer la dernière partie de cette communauté, si ce n'est le Coran et la Sunna. Et il a dit que la charia de l'islam, la législation de l'islam, elle est valable pour toute époque et pour tout endroit jusqu'à la fin du monde. أو القصور لأن الله سبحانه وتعالى حكم لها بالكمال قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il a dit qu'on ne peut pas traiter et qualifier la charia comme étant incomplète ou qu'elle présente des manques, qu'il y a des manques dans la charia, parce qu'Allah Azza wa Jalla il a jugé qu'elle était complète, comme il y a un verset, اليوم أكملت لكم دينكم, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. وأتممت عليكم نعمتي et j'ai parachevé mon bienfait sur vous ورضيت لكم الإسلام دينا et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل شامل ومن كماله أنه يصلح لكل زمان ومكان فلو لم يكن يصلح لكل زمان ومكان لم يكن كاملا بل صار ناقصا فالله شهد له بالكمال وهؤلاء يقولون إنه ليس بكامل لأنه لا يصلح لهذا الزمان. نعم يعني que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il est décédé la religion était complète, elle englobait toutes choses dont on a besoin, et la preuve qu'elle est complète c'est que elle est valable pour toute époque et pour tout endroit, et que si jamais elle n'était pas complète, elle n'est pas valable pour tout endroit et toute époque, elle n'aurait pas été complète. Donc elle serait incomplète. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il a attesté qu'elle a été complète, que la religion elle est complète. Et ces gens-là, ils disent que non, que ce n'est pas le cas, qu'elle n'est pas complète, parce qu'elle n'est pas en conformité, elle n'est pas valable pour notre époque. Ensuite, il a dit, Cheikh Fawzan, Fawzallah, wa kadhalika yadkhul fi hada man ibtada'a bid'atan fi din, aw ahdatha hadathan. يظن أنه خير أنه تقرب إلى الله عز وجل هذا نوع من الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يشرعهم ما شرعه الله عز وجل إنما أتوا بزيادات ومعنى هذا أن الدين غير كامل وأنه بحاجة إلى زيادات لهذا قال صلى الله عليه وسلم من أعمل عملا ليس لي أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه Non, le Cheikh a dit que parmi ceux qui rentrent dans ça aussi, le fait que la personne elle innove une innovation, qu'elle invente une chose dans la religion et qu'elle pense que c'est quelque chose de bien ou que ça rapproche d'Allah Azza wa Jalla, que ça c'est une forme de sortie de la religion, de la charia, de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne s'est pas suffi à ce qu'Allah il a légiféré. Il ne s'est pas suffi à ce qu'Allah il a légiféré Azza wa Jalla, et il a remis des choses en plus qu'il a rajoutées. Donc ça veut dire que pour eux, la religion n'est pas complète et qu'elle nécessite qu'on y rajoute certaines choses. Le prophète a dit dans le hadith que toute personne qui fait une action qu'on ne lui a pas ordonnée, elle sera rejetée. Il dit aussi que toute personne qui invente une chose dans notre religion qui ne fait pas partie, elle sera rejetée. Donc Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Iyakuma muhdathatul umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kulla bid'atin dalala. » Il a mis en garde aussi contre toute innovation. Il a dit que toute chose est une innovation et toute innovation est un égarement. فالخروج عن شريعة محمد يشمل هذه أنواع كلها لكن بعضها أشد من بعض وبعضها كفر وردة وبعضها ضلال دون الكفر فالذي عليه أقطاب الصوفية من الخروج عن الشريعة أو عن شريعة محمد من الخروج عن شريعة محمد هذا كفر واضح. Il a dit que ainsi le fait de sortir de Sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe tout ça. Ça englobe le fait, comme il a dit d'abord, de prétendre qu'on n'est pas obligé de se conformer à sa Sharia, de même que ce qui disait laïque, on peut, ou plutôt on doit faire la différence entre la religion et l'État, de même que ce qui disent les gens de la théorique et de la rhétorique et du mantiq, les savants du kalam, que le Coran et la Sunna, on n'utilise pas pour tout ce qui est aqidah, de même que ceux qui disent que la religion aujourd'hui n'est plus valable pour notre époque. Tout ça, ce sont des gens qui sont sortis de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il a dit que ce sont différents types. Certains sont dans la mécréance et de l'apostasie claire, et d'autres sont en dessous de la mécréance, que ce n'est pas de la mécréance, mais c'est juste de l'égarement. Ensuite, il dit par contre, ce sur quoi sont nés Aqtab, c'est Jama'a de Qutb, Soufiya, et le Qutb en arabe, là-bas, c'est un Sayyid, un chef. Et les Soufis utilisent ça pour dire, soi-disant, les gens qui sont des chefs, comme ils disent, des Aqtab, comme il dit Ibn Arabi, il a dit qu'il y en a 25, il y a eu 25 en tout, depuis l'époque de Adam, jusqu'à l'époque du prophète Mohammed, il y en a eu 25, et que ces Aqtab-là, les Qutb, comme ils disent les Soufis, ce sont des gens qui ont atteint Allah, comme ils disent qu'ils ont atteint Allah et qu'ils ont la science, yani, des dates d'Allah, des attributs d'Allah, comme on sait en vrai, qu'ils ont la science, yani, de ce qui se passe dans le corps, les études, ils peuvent agir sur l'univers, ainsi de suite, beaucoup d'égarements. Cher Alix, ça c'est du kufr wadih, ça c'est de la méclance claire, C'est pour ça que même dans le livre qui a cité Cheikh Fawzan, Masra' Soufiya, l'auteur, il l'a appelé Tambih al-Rabi. Il a kufr Ibn Arabi. Il a dit que ça, c'est un livre pour signifier la mécréance de Ibn Arabi. Ibn Arabi, bien sûr, quand on dit Ibn Arabi, son alif ou al-lam, ça c'est At-Ta'i, Soufi. Que certains disent que c'est un mécréant, Ibn Arabi. Par contre, Ibn al-Arabi avec alif al-lam, Abu Bakr, ça c'est un savant maliki, parmi les savants des malikis, il n'était pas un mécréant, c'est un savant. La sunna, qui est connu, Ibn al-Arabi, avec Alif al-Lam, il s'appelle Abu Bakr. Alors que ça, c'est Ibn al-Arabi, sans Alif al-Lam, ça, c'est At-Ta'i, celui qui a fait Futuhat Makkah. Et ça, ils disent que c'est un mécréant, un mulhid et un mushrik. C'est un des plus grands extrémistes des soufis. Il a dit, وَكَذَلِكَ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ فِي بَعْدِ الْأُمُورِ فَهُوَ خُرُوجَ نَشَرِيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ. De même que ceux qui font pareil que les soufis, là, comme on a dit, les extrémistes parmi les soufis, qui font pareil que eux, il a dit que, bien, en fonction de ça, il sortira de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que ce qui est wajib pour le musulman, c'est de se conformer au Coran et à la sunna, et avoir la croyance qu'ils sont tous les deux complet et tous les deux englobent toutes choses dont on a besoin. Ils sont tous les deux valables et valides pour toute époque et pour tout moment et tout endroit. Et qu'il ne doit pas avoir ne serait-ce qu'un seul doute et aucune hésitation dans ça. إلا فلو كان عندهم علم صحيح وبصيرة نافلة لوجدوا أن الكتاب والسنة مشتملان على كل ما يحتاجه البشر إلى أن تقوم الساعة. Il dit, c'est possible qu'une personne, certaines choses soient cachées pour elle et qu'elle ne trouve pas le jugement dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est pas par rapport au manque du Coran et de la Sunna, c'est par rapport à son manque de compréhension à elle, par rapport au manque de compréhension de la personne. Et son manque de science. Il dit, mais si jamais la personne avait de la science correcte et une bonne clairvoyance, eh bien, elle verrait que le Coran et la Sunna, ça englobe tout ce dont on a besoin et tout ce dont les hommes ont besoin jusqu'à Yom al-Qiyam, jusqu'à la fin du monde. فَالَّذِي لَا يَجِدُ هَذَا عَلَيْهِ يَتَّهِمَ عِلْمَهُ وَفَهْمَهُ وَلَا يَتَّهِمَ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ وَيَقُولْ إِنَّهُمَا لَمْ يَشْتَمِلَا عَلَى كَذَا وَكَذَا. Et que si jamais la personne, elle ne trouve pas le jugement d'une chose, ni dans le Coran ni dans la Sunna, elle doit se tourner vers sa compréhension et blâmer sa compréhension à elle. Et ne pas blâmer le Coran ni la Sunna et dire qu'il n'englobe pas toute chose et qu'il n'englobe pas cette chose-là ou cette chose-là. Il dit Thumma, na'lamu aydan anna umur al-adati wal-mubahati la tadkhul fil ibtida'i kal-hirafi wal-sina'ati. هذه جاء في الكتاب والسنة ما يشملها يقول تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم Ensuite, il dit qu'on doit savoir que tout ce qui est les choses, les habitudes qu'on a et ce qui est permis, ça ne rentre pas dans l'innovation. Ça rentre pas dans l'innovation. C'est-à-dire que si jamais les gens inventent des choses par rapport aux habitudes qu'ils ont ou par rapport à tout ce qui est fonction et métier, ça ne rentre pas dans ce qui est blâmable parmi les innovations. Ça ne rentre pas dans ce qui est blâmable parmi les innovations de la religion. Parce que certaines personnes ne comprennent pas ça, ils mélangent tout, ils disent que on a inventé de nouvelles routes, de nouvelles voitures. Ça ne rentre pas dans l'innovation de la religion dont on parle. Ce qui est voulu par l'innovation, c'est l'innovation dans l'adoration. Par contre, tout ce qui est innovation et progrès technique, ça ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas concerné par l'interdiction. Non. Et il a dit qu'Allah Azzawajal, il a souligné ça dans le Coran, dans le verset où il a dit « Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, de tout venant de lui. » C'est-à-dire que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, c'est fait pour les hommes. C'est fait pour les hommes pour qu'ils cèdent avec ça pour l'adoration d'Allah Azzawajal. حتى المباحات والمخترعات والمستجدات والصناعات يشملها الكتاب والسنة. Ainsi, il a dit que tout ce qui est permis et tout ce qui est innovation, il y a une progrès technique et toutes nouvelles choses, et tout ce qui est les formations ou les métiers ou les fonctions, c'est englobé par le Coran et la Sunna. C'est englobé dans le Coran et la Sunna. قد وجه الله في كتابه إلى أمور الدنيا وتناولها والدفاع بها والاستعانة بها. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a dirigé les gens vers le fait d'utiliser ce qui est dans le dunya et d'en profiter et de s'aider avec ça pour l'adoration. Ça veut dire qu'il nous a permis d'utiliser tout ce qui est sur terre de façon générale. Non, il a dit ولكن أفهم الناس ومذاهبهم ولكن أفهم الناس ومذاهبهم قد تكسر عن هذا وإنما هذا عيب في إدراك الناس فالكتاب والسنة كاملان شاملان صالحان لكل زمان ومكان. Il a dit mais c'est possible que la compréhension des gens ne soit pas complète par rapport à ça ou que elle ait des manques par rapport à ça. Donc ça, c'est un défaut par rapport aux hommes, à leur compréhension, pas par rapport au Coran et à la Sunna. Il a dit que le Coran et la Sunna sont tous les deux complets, ils englobent tous les deux tout ce dont on a besoin, ils sont tous les deux valables pour chaque époque et pour chaque endroit. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شامية كاملة وهي عامة لجميع الثقلين الجن والإنس لا يسأل أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج عن شريعته كائنا من كان. Et que la législation de Muhammad صلى الله عليه وسلم, elle est vaste et elle est complète aussi. Elle englobe tout ce dont on a besoin et ça concerne toute personne parmi les hommes et les djinns. Parmi les hommes et les djinns, que personne n'a la possibilité, n'a la permission non plus de sortir de sa charia, de sa religion, peu importe qui qu'il soit. فإن خرج عنها خروجا كليا فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به أو ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وإذا كان هذا في أهل الكتاب فكيف بغيرهم. Il a dit que si jamais la personne sort de la charia de façon complète, et bien dans ce cas-là, elle sera un mécréant. Comme il a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, que personne parmi les juifs et les chrétiens n'entendra parler de moi et mécroira en moi sans être parmi les gens de l'enfer. C'est-à-dire toute personne qui entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les chrétiens et les juifs et qui ne croit pas en lui, et bien il sera un mécréant et il sera parmi les gens de l'enfer. Ensuite, le shérif a dit qu'un had fi ahl al-kitab fa kayfa bi ghayrihim. Si jamais ça, c'est par rapport aux gens du livre qui sont quand même des gens qui ont une religion de base, mais ils l'ont falsifié et ils sont égarés. Et bien ceux qui sont pas des gens du livre, qui ne sont pas des gens du livre, c'est encore pire et ils sont plus à même d'être menacés par cette menace-là. Inna al-kitab as-sabiq antaha bin-naskh wa hadha al-Qur'an. فهذا القرآن نسخ جميع الكتب وشريعته صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع والشرائع تكون مؤقتة الله جل وعلا يشرع لكل أمة ما يناسبها وما يصلحها في وقتها قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Il a dit que ainsi le Coran, ça a abrogé tous les autres livres avant, et la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a abrogé toutes les autres charia avant lui. Sa législation à lui, ça a abrogé toutes les autres législations avant lui. Il a dit que c'est possible qu'une charia, une législation, elle soit pour un moment précis, elle ne soit pas éternelle. C'est possible qu'Allah Azzawajal légifère pour certaines communautés ce qui leur convient et ce qui les réforme à leur époque. Comme il est dit dans le verset, لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, on a donné une législation et un minhaj, une méthodologie. فَيُشَرِّعُ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَا يُنَاسِبُهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يَنْتَهِي ذَلِكَ بِشَرْعٍ آخَرَ إِلَى أَنْ جَاءَ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ مُنْذُ بِعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَهِيَ عَامَّةٌ فِي الزَّمَانِ وَعَامَّةٌ فِي الْمَكَانِ وَعَامَّةٌ فِي الْعِبَادِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَا تَتَبَدَّلُ وَلَا تَتَغَيَّرُ. Il a dit que ainsi Allah Azza wa Jalla légifère pour chaque communauté ce qui lui convient, ce qui lui convient à son époque. Ensuite, elle est finie, cette législation-là, cette charia, jusqu'à par un autre charia qui vient, une autre charia. Elle se finit par une autre charia qui vient à la place de cette première charia-là. Et ensuite, institue jusqu'à ce que la charia de l'islam est venue, jusqu'à ce que la législation de l'islam est venue, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et elle sera valable jusqu'à Yom al-Qiyamah. Elle sera valable jusqu'à Yom al-Qiyamah. Il dit qu'elle est vaste, elle est globale pour chaque époque et pour chaque endroit, et elle est englobe aussi, elle est vaste, elle est générale pour toute personne et tous les serviteurs jusqu'à Yom al-Qiyamah. Elle ne changera pas, elle ne sera pas modifiée non plus. فمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة كما تقول طائفة من النصارى فهذا كافر بالله عز وجل. Et que toute personne qui prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé que pour les Arabes seulement, comme disent certains parmi les chrétiens, il a dit que ça c'est un mécréant, ça c'est un mécréant. Et mécréant en Allah Azza wa Jal. فمن النصارى من يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لكن رسالته إلى العرب فقط. هذا كافر بالله عز وجل لأنه جاحد أو لأنه جاحد لعموم الرسالة. ولذلك من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله جل وعلا جعل محمدا خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو الذي لا يأتي بعده نبي. نعم. إلى جيك toute personne qui prétend que le prophète Mohammed sallam sa prophétie c'est que pour les Arabes, ça c'est un mécréant. Comme ils disent les chrétiens, ils disent que le prophète Mohammed sallam c'est un prophète venant d'Allah, mais que ce n'est que pour les Arabes. Ça c'est un mécréant parce qu'il contredit et il blâme et il renie aussi la prophétie du prophète Mohammed sallam. Ensuite, le cheikh a dit que c'est pour ça aussi que toute personne qui prétend être prophète et avoir la prophétie après Mohammed sallam, c'est un mécréant. Parce qu'en Azawiyal, il a dit que Mohammed sallam, c'est le dernier parmi les prophètes, le sceau de la prophétie, celui par lequel la prophétie a été clôturée. Il a dit, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin rasulullahi wa khatam an-nabiyyin. Mohammed sallam n'est le père de aucun parmi vos hommes, mais plutôt c'est le messager d'Allah et le sceau de la prophétie. Et le khatam, هو الذي لا يأتي بعده نبي. لهذا قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Il a dit que c'est pour ça que le prophète a dit dans le hadith صلى الله عليه وسلم qu'il y aura après moi 30 personnes qui seront des grands menteurs qui prétendront tous être des prophètes. كلهم يدعي أنه نبي. Tous prétendre être des prophètes. Alors que je suis le sceau de la prophétie, il n'y a pas de prophète après moi. Même c'est pour ça que certains savants disent que ce hadith-là, il y a une riwaya, illa yasha'Allah, ça c'est une riwaya qui est inventée, qui est mawdou'. Il y a une riwaya dans laquelle ils disent وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Il n'y a pas de prophète après moi, sauf si Allah veut. Ça, cet ajout-là, sauf si Allah veut, ça veut dire que ça c'est mawdou', c'est inventé, c'est un mensonge qui ne fait pas partie du hadith. فَالنَّاسُ لَيْسُوا بِحَاجَةِ إِلَى نَبِيٍّ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِأَنَّ النَّبِيَّ يُبْعَثُ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَاللَّهُ أَغْنَاهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُسْتَمَرَّيْنِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. Ainsi, il a dit que les gens n'ont pas besoin de prophètes. Les gens n'ont plus besoin de prophètes parce que les prophètes sont envoyés lorsque les gens en ont besoin. Alors que là, Allah Azza wa Jalla, il a fait qu'on n'a plus besoin de prophètes. On n'a plus besoin de prophètes jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'à la fin du monde. Et ceci grâce au Coran et au Sunna qui sont tous les deux présents jusqu'à Yawm al-Qiyamah, qui sont là jusqu'à la fin du monde et qui ne vont pas disparaître. Inch'Allah. Il a dit qu'ainsi, les gens n'ont pas besoin de prophète. On n'a plus besoin de prophète jusqu'à la fin du monde. فليسوا بحاجة إلى نبي أو إلى شريعة غير شريعة محمد وغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالفترة مملوءة بشريعة الإسلام إلى قيام الساعة. Il a dit qu'on n'a pas besoin de prophète ni de sharia parce que autre que la sharia du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم parce que cette époque-là là jusqu'à يوم القيامة elle est remplie et elle est comblée par la sharia de l'islam jusqu'à la fin du monde. أما شرائع الأنبياء فيعمل بها في وقتها لكل شريعة فكل شريعة يعمل بها في وقتها لا تتجاوزه ووقت هذه الشريعة ووقت هذه الشريعة هو هذا الوقت الواسع من البعثة إلى قيام الساعة. Chaque législation, chaque sharia, on a mis en application pendant son époque. Et après, lorsque son époque est finie, on ne l'utilise plus. La sharia de l'islam, la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son temps, c'est du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est son époque et son temps pour l'utiliser. Non, il a dit, فَهِيَا غَنِيَّةٌ مُتَجَدِّدَةٌ فِي أَحْكَامِهَا مُتَجَدِّدَةٌ فِي أَحْكَامِهَا وَقُرْآنِهَا وَسُنَّتِهَا. Ainsi, elle est riche, cette sharia-là, elle est riche, et elle renouvelle tout ce dont on a besoin à propos des jugements, à propos du Coran et à propos de la Sunna. Tout ce dont on a besoin comme jugement, comme Coran et Sunna, yani, la charia en est pleinement riche et on se passe des autres charia avec ces charia-là. في البشرية ليست بحاجة إلى رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم وليست بحاجة إلى كتاب بعد القرآن وليست بحاجة إلى شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit qu'ainsi l'humanité n'a pas besoin d'autres sharia ni d'autres prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ni n'a besoin non plus d'autres Coran après le Coran. Donc elle n'a pas besoin d'aucune législation ou d'aucune sharia, si ce n'est la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَلِهَذَا مَنِ ادَّعَ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ وَمَنْ صَدَّقَ ذَلِكَ يَكُونُ كَافِرًا مُرْتَدًا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَيَكُونُ مُكَذِّبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وإجماع المسلمين في عموم الرسالة التي وعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. Ainsi, toute personne qui prétend être un prophète et toute personne aussi qui renverdique cette personne-là, c'est-à-dire toute personne qui croit en celui qui dit qu'il est prophète, sont tous les deux des mécréants, des apostats qui sortent de l'islam et des gens qui traitent de mensonges Allah, ou plutôt qui traitent de mensonges Allah et son messager et qui contredisent le consensus des musulmans, dans le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie elle est valable pour toute l'humanité et qu'elle est éternelle jusqu'à la fin du monde. فَإِذَنْ لَا يَزَوْا أَحَدًا كَيْنًا مَنْ كَانْ أَنْ خُلُوجُ مَنْ شَرِيَةِ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi le cheikh a dit que pour finir on comprend que toute personne et que, doit se conformer à la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que personne n'a le droit d'en sortir, peu importe qui qu'elle soit, Ensuite, le cheikh a fini par dire, Hafidallah, que on évoque Allah, qui nous donne la compréhension de la religion, de sa religion, et qui nous donne la facilité de mettre en application la sharia, et qui nous évite le chemin de l'égarement et de la perdition. Ensuite, il a fini par dire, Sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sa'ati ici, inshallah. Hala wa Allahu a'lam, Sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.